Psaume 101. Psaume de David. Je chanterai la miséricorde et la justice, Éternel, je te psalmodierai. Je me rendrai attentif à une conduite pure, jusqu'à ce que tu viennes à moi, je marcherai dans l'intégrité de mon cœur, au milieu de ma maison. Je ne mettrai point devant mes yeux de choses méchantes, j'ai en haine les actions des débauchés, rien ne s'en attachera à moi. Le cœur mauvais se retirera d'auprès de moi, je n'avouerai point le méchant. Je retrancherai celui qui médit en secret de son prochain, je ne pourrai pas souffrir celui qui a les yeux élevés et le cœur enflé. Je prendrai garde aux gens de bien du pays, afin qu'ils demeurent avec moi, celui qui marche dans la voie entière, me servira. Celui qui usera de tromperie, ne demeurera point dans ma maison, celui qui profère mensonge, ne sera point affermi devant mes yeux. Je retrancherai chaque matin tous les méchants du pays, afin d'exterminer de la cité de l'Éternel tous les ouvriers d'iniquité.